RG, il est 20h. Écoutez bien. La saga des Fab Four a 40 ans. 1984, la première émission de la saga des Fab Four. Il est 21h sur Radio Libre Bordeaux. C'est Thierry. Je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle émission que j'ai appelée la saga des Fab Four. Et je vais avoir besoin de vos appels de façon à ce que vous demandiez votre chanson des Beatles. 1994, l'émission évolue sur Radio Campus. Bonjour, c'est Thierry, c'est la saga des Fab Four sur Campus. Je vous propose une nouvelle formule, c'est moi qui vous propose une playlist. 2004, l'émission fête ses 20 ans sur TRG. Salut tout le monde, c'est Thierry Gallé et je vous présente ce soir, puisqu'on est jeudi et qu'il est 19h30, la saga des Fab Four avec un album de la semaine. 2014, grâce à RIG, l'émission est écoutée dans le monde entier et sa page Facebook est ouverte depuis 2009. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallé, c'est la saga des Fab Four numéro 220. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La saga des Fab Four sur RIG. La saga des Fab Four à 40 ans. Le mercredi 3 avril 2024 à 20h, les 40 ans de la saga des Fab Four sur RIG. Eh oui, ma petite dame. Bonsoir mesdames, messieurs, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ici on a le moral parce que on approche des 40 ans de la saga des Fab Four. Ce sera donc, vous avez bien compris, le mercredi 3 avril, dans 2 ou 3 semaines quoi. 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc je compterai sur vous, il y aura des petits cadeaux à gagner parce que c'est moi qui vais vous proposer des cadeaux achetés avec mon argent à moi. Donc ce sera pas grand chose, mais ce sera plutôt symbolique qu'autre chose. Et j'ai pensé à vous. Vous qui êtes sur Bordeaux sur 90.7, là ce sera facile. Mais vous qui êtes plus loin dans un autre pays et qui n'avez que, par exemple, Internet pour agir, eh bien, il y aura à chaque session de jeu un cadeau pour la personne qui aura téléphoné à la radio et un cadeau pour la personne qui aura réagi la première sur Internet, dans le groupe La Saga des Fab Four, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas sur le groupe La Saga des Fab Four, c'est le moment de chercher La Saga des Fab Four sur RIG, fm.fr ou sur 90.7. C'est le nom entier. Je pense que vous allez très vite le trouver sur Facebook. Vous nous rejoignez dans le topic qui est tout en haut et tout se passera très très bien. Alors, la semaine dernière, j'ai été absent pour des raisons personnelles, mais cette semaine, eh bien, on refait la même. Donc, c'est le meilleur des anthologies que je vous propose ce soir. Je pense que ça va très très bien se passer. On a plein de choses à se dire. Et je sais aussi qu'Eric ne sera pas là ce soir. Donc on va faire la programmation en entier avec un petit bonus à la fin, comme à chaque fois qu'Eric n'est pas là. Bon, donc rejoignez-nous, le groupe La Saga des Fab Four sur RG. Le premier titre, ce sera Free as a Bird, mais il y en aura d'autres. J'ai pas la playlist sous la main. Il y aura Dear Friend pour Paul McCartney. Il y aura Intuition pour John Lennon. If Not For You pour George Harrison. Et Devil Woman pour Ringo Starr. Vous savez tout. Il ne reste plus qu'à commencer puisque le générique se termine. Donc, bonne soirée à vous toutes et tous. C'est Thierry Gallé. Bientôt les 40 ans de la saga. Je compterai sur vous plus que jamais. Bonne soirée à toutes et à tous. never happened to the life that we once knew. The Bird était essentiellement destiné à attirer l'attention sur le projet Anthology. Il s'agissait du premier single original des Beatles en 25 ans, réunissant, au moins musicalement, le groupe le plus populaire du monde. Rien n'aurait pu se révéler à la mesure d'une telle attente. Mais Free as a Bird réussissait néanmoins à rendre un son Beatles très convaincant, période 69. Le morceau souffrait pourtant d'avoir été composé à partir d'une démo inachevée d'une chanson de John Lennon, dont la voix avait été enregistrée sur un magnétocassette de mauvaise qualité. Pourtant, Paul McCartney a dit « J'ai immédiatement aimé Free as a Bird. J'ai aimé la mélodie. Elle avait des accords forts et me plaisait beaucoup. » Et ce qui était bien, c'est que John ne l'avait pas fini. Il y avait encore des passages où il bloquait. Cela voulait dire que nous allions devoir trouver quelque chose et que j'allais, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, travailler avec John. La plupart des chansons que John composa durant cette période traitaient de son existence d'homme au foyer. Dans I'm Stepping Out, Washing the Wheels, Beautiful Boy, Clean Up Time, il parla de l'étrange sentiment de liberté qu'il avait ressenti en abandonnant la vie de star au propos de la vie de famille. Pour le couplet, John n'avait écrit que Whatever Happened to the Life That We Once Knew, qu'est-il advenu de la vie que nous avions connue. Des lignes qui évoquent sa croyance en un passé lointain et parfait, déjà exprimé dans Help, Strawberry Fields ou In My Life. Le texte de Paul y ajoute une idée de réconciliation, de reconnaissance d'une amitié qui aurait pu être la leur. Voilà ce qu'on pouvait dire. En gros, Free as a Bird se classa numéro 2 dans les charts britanniques et vraiment, quel grand plaisir d'écouter les Beatles en 1995. La suite, maintenant, c'est Paul McCartney en 1971, qui déjà lançait une perche à son ami Dear Friend sur l'album Wings, sur l'album Wildlife, premier album officiel de Wings. Dear Friend, what's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you? True.

not for you. Sur l'album Ringo, le plus rock pour le début de cette émission, dans laquelle nous avons écouté d'abord Free as a Bird par les Beatles, mais en 1995, Dear Friend par Paul McCartney, John Lennon Intuition, George Harrison If Not For You et à l'instant Devil Woman de Ringo Starr. Vous vous rendez compte que pour la 40e qui aura lieu dans 3 semaines, je suis aidé par plein de sites. Il y a le site Macablog, spécialiste de McCartney, qui va m'aider à bien dire à tout le monde, c'est les 40 ans le 3 avril, les gars. Il y a le site yellowsub.net qui va dire à tout le monde, C'est les 40 ans de la saga des Fab Four. Écoutez sur www.rgfm.fr. Et puis il y a également Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. After 909 est peut-être la plus ancienne chanson de Lennon et McCartney qui a été enregistrée. Elle date a priori de 1957, peu après la rencontre de Paul et John. C'est l'une des plus de 100 chansons que les deux Beatles disaient avoir composées avant Love Me Do. Elle remonte à l'époque de Fourth Lane Road. Les Beatles enregistrèrent One After 909 pour la première fois, c'est cette version que vous venez d'entendre, en mars 1963, durant la même séance que From Me To You. Mais George jugea le résultat si peu convaincant que la bande ne fit jamais surface. L'idée de John était de composer une histoire de train à l'américaine en s'inspirant du succès skiffle de Last Train to San Fernando par Johnny Duncan, Cumberland Gap ou Rock Island Line par Lonnie Donegan ou Freight Train par The Chess McDavid Skiffle Group. Pardon, il y avait une suite. Nous avions l'habitude de sécher les cours et de retourner chez moi pour composer, raconte Paul. Il y a beaucoup de chansons de cette époque que nous n'avons jamais utilisées parce que ce sont des chansons très simples. Nous détestions les paroles de One After 909 et pourtant, Cette chanson figure aussi dans l'album Let It Be, quelques années plus tard, puisqu'il l'a enregistré en 63, c'était en 70, soit 7 ans plus tard. C'était pour souhaiter l'anniversaire à Laure, mais c'était la semaine dernière. Alors Laure, bon anniversaire avec une semaine de retard. Bisous. connaît pas vraiment. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Ringo Starr, en 1976, il me semble, sur l'album Rotogravure. 76, oui, c'est ça. Ah, j'ai de bons souvenirs encore, ça va. Le problème avec Ringo Starr dans cette période, 75-80, c'est qu'il a fait de mauvais albums, on va dire. Mais même dans les mauvais albums, et c'est valable pour ses trois autres copains, eh bien, il y a des petites perles, comme celle que nous venons d'entendre à l'instant, You Don't Know Me At All. Ça ne casse pas forcément les briques, mais c'est joli, c'est bien, c'est sympa, ça va bien à la voix de Ringo Starr. Et nous, on aime ça. Du rock and roll. Rock and roll people, sur l'album Men Love Avenue. John Lennon sur RG. Date de 1986, s'appelle Men Love Ave pour Avenue. Et merci maman de nous avoir sorti cet album-là, puisqu'il y a des versions inédites de chansons connues ou des versions inédites carrément. Celle-ci fait partie des sessions de l'album Rock and Roll, mais elle n'était jamais sortie jusqu'à cet album-là. On revient maintenant à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est le meilleur des anthologies. Ça existe sur iTunes. Il avait sorti un album qui s'appelle Anthology Highlights, sorti en 2010. Donc c'est là-dessus que j'ai prélevé le meilleur, une partie bien sûr, du meilleur de ces anthologies-là. La chanson suivante, c'est That Means a Lot. Elle a principalement été composée par Paul. C'est un autre titre des séances de Help, mais les Beatles ne réussirent pas à en enregistrer une version définitive. Durant les séances du 20 février au 30 mars 65, ils en firent 24 essais avant de l'abandonner définitivement. La chanson exprime le point de vue d'un tiers sur une relation technique que les Beatles avaient déjà utilisée avec She Loves You. Cela leur permettait d'écrire pour d'autres voix que les leurs et d'exprimer des attitudes qui n'étaient pas nécessairement les leurs. Nous sommes aperçus que nous ne pouvions la chanter, résuma John. En fait, nous en avions fait une telle bouillie que nous avons préféré la donner à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un fut P.G. Proby, un chanteur américain qui avait été invité en Angleterre en avril 64. Quelle belle année et quel beau mois pour participer à un show télévisé des Beatles et qui s'était lié d'amitié avec le groupe. Proby enregistra That Means a Lot et se classa 30e dans les charts anglais en octobre 1965. Voici la chanson. sur Facebook, Marc. Pas terrible cette chanson-là. Bah oui, mais John Lennon reprenait la musique officiellement, hein, après 5 ans d'arrêt. Ensuite, cette chanson que vous entendez est sur un album post-mortem, celui de 1984, l'album Milk and Honey. Ça veut dire que c'est une sorte de démo. Ça veut dire qu'il aurait pu l'améliorer encore. Et puis de toute façon, John Lennon sans Paul McCartney a fait des moments magiques, mais pas toujours. Moi j'aime bien cette chanson, je la trouve tout à fait correcte, sans être, et de loin, et de très très loin, une chanson extraordinaire. Écoutez celle-ci. All Things Must Pass, sur les anthologies, travailler avec les Beatles. C'est maintenant sur RG. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not a Paul McCartney, honte à John Lennon et même honte à George Martin de ne pas avoir reconnu le côté extraordinaire de cette chanson, d'avoir dit sans doute, eh ben écoute, c'est bien, elle est sympa cette chanson, on verra plus tard. Et ben justement, le plus tard, il a eu lieu en 1970 sur l'album All Things Must Pass. Cloudburst doesn't last all day.

7 ans après avoir fait pleurer sa guitare, While My Guitar Gently Weeps, que j'adore, vous le savez, il a remis une couche quelque part avec This Guitar Can't Keep From Crying. Cette guitare ne peut pas s'empêcher de pleurer. Le pauvre. Mais en tout cas, c'est une belle chanson. Extrait de l'album Extra Texture, Read All About It, de 1975. J'espère que tout se passe bien. Rappelez-vous, c'est la saga des Fab Four. Est-ce que j'ai dit que c'était la saga des Fab Four numéro 593 et que très bientôt, dans 3 semaines, ce sera les 40 ans de la saga? On fera une émission qui durera de 20h à minuit. Eric me cède dans sa place gentiment pour l'occasion. Il y aura des cadeaux à gagner, oh, des cadeaux simples. Je compte sur vous pour essayer de m'envoyer des témoignages, que ce soit écrit ou que ce soit des petits bouts enregistrés que vous m'envoyez à une adresse mail que je précise sur le groupe La Saga des Fab Four. Je vous referai ça en plus clair tout à l'heure quand j'aurai un peu plus de temps. Mais faites-le, ce serait bien de pouvoir ponctuer les chansons avec des extraits de vous. Et puis d'ailleurs, dans 3 semaines, vous pourrez appeler, passer à l'antenne si vous le souhaitez. Évidemment, je ne force personne pour pouvoir dire du bien, j'espère, de la saga des Fab Four. Voilà. Et puis, on revient à la saga traditionnelle, la saga des Fab Four numéro 593. Et voici Ramon, plus la reprise, extrait de l'album Ram, Paul McCartney sur RIG. RIG 90.7, la radio des Beatles. Take one. Okay. De chanson Who's That Coming Round That Corner reviendra 2 ans plus tard sur l'album suivant et la chanson s'appellera Big Bound Bed. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est les anthologies Highlights, sorties en 2010, uniquement sur iTunes. Vous ne trouvez pas l'album physiquement. Voici Can't Buy Me Love sur RIG. Can't Buy Me Love. L'intérêt pour les fans de ces anthologies. Si vous ne connaissez pas du tout les Beatles, est-ce vraiment intéressant d'entendre des versions différentes? Mais si vous connaissez les Beatles, là vous avez entendu une version de travail, quelque chose qu'ils ont créé pour voir ce que ça donnait. Et finalement, ils ont choisi une autre voix, la chanson de Can't Buy Me Love que vous connaissez. C'est donc pour des fans très très très intéressant. À présent, voici la cover. La cover, c'est une chanson chantée par Paul, John, George ou Ringo, que ce soit avec les Beatles ou une fois les Beatles séparés. Et même si eux-mêmes, au moment où ils ont chanté cette chanson-là, reprenaient déjà la chanson de quelqu'un d'autre, par exemple Chuck Berry ou qui vous voulez. Cette chanson-là, eh bien, c'est un gars qui donne fin à chaque fois puisqu'il s'appelle John Pizzarelli. Et c'est un style jazzy plutôt sympa. L'album s'appelle John Pizzarelli Meets the Beatles en 1998 et le titre du morceau c'est When I'm 64 sur RG. Got all the lilacs and old Ralph and shoes. Here we go. Da, da, da, da. One, two, one, two, three, four. When I get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy in mending a fuse, or when your lights are gone. You can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee, Vera, Chuck, and Dave. Drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dress and toupee me, silver and gray me. When you fall to me, gin and vermouth me. get to be 64. Je ne suis pas certain que Paul McCartney ait pu entendre cette chanson-là, mais à mon avis, s'il l'a entendu, il a dû l'apprécier parce que c'est tout à fait le style de cette chanson-là. C'est jazzy, c'est sympa. Vous savez que quelquefois, je vous propose des chansons de relatifs, c'est relatives en anglais. Donc des gens qui sont autour des Beatles. Là, c'est le fils Julian de John Lennon qui, en 1984, sortait son premier album. L'album s'appelle Valotte. Vraiment, en 1984, on avait l'impression que c'était John Lennon qui nous sortait un album de plus discrètement. Les premières chansons, la voix est vraiment très étrange, on a l'impression que c'est John. Voici une chanson des années 80, on le sent au style, mais j'aime beaucoup celle-là. C'est Too Late for Goodbyes sur RIG. Lennon sur RIG 90.7 et www.rigfm.fr. On aborde à nouveau l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Anthologie Highlights, le meilleur des anthologies sorti uniquement sur iTunes en 2010. Voici un titre qui avait marqué à son époque en 1966, Tomorrow Never Knows, dans une version de travail originale. Thank you. Allez, encore. Le 5 juillet 1969, l'un des groupes qui avait signé chez Apple, les Ivy's, je sais pas si on dit Ivy's ou Ivy's, donna une interview au Disc and Music Echo dans laquelle ils se plaignirent d'être négligés par les Beatles. Paul les contacta 3 semaines plus tard, il les rencontra chez eux le 29 juillet et leur proposa Come and Get It qu'il avait enregistré seul avec l'ingénieur du son Phil McDonald 5 jours plus tôt au studio d'Abbey Road. Il leur suggéra également d'apporter leur contribution à la bande-son du film parce qu'il entendait consacrer toute son énergie à enregistrer l'album Abbey Road. Paul produisit le groupe le 2 août. Il choisit de confier les vocaux à Tom Evans et les encouragea à ne pas trop s'écarter de la simplicité de sa démo sur laquelle il ne s'accompagnait que de piano, batterie, basse et maracas. Il leur dit que s'il réussissait l'enregistrement, il leur garantissait un tube. Et que s'il le ratait, il en ferait une chanson des Beatles. Ce défi nous a vraiment fait tout donner, raconte Evans. Lorsque le 45 tours sorti, les Ivy's étaient devenus les Badfingers. Come and Get It entra dans le top 5 et ils ne purent se prétendre négligés par les Beatles. La bande originale de Magic Christian, puisqu'il s'agissait de ce film-là, incluait 3 titres de Badfingers, ce sur quoi ils capitalisèrent en intitulant leur album Magic Christian Music. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là. Et quand même, hein, enregistré seul en très peu de temps. Et encore parce qu'il n'avait pas le temps. Belle chanson, Come and Get It, de Paul McCartney. Encore des anthologies highlights. Real Love, paru en 96. Quelle belle chanson. Thank you. knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door. I let them in. Yeah, let them in. McCartney en 1976 sur l'album At the Speed of Sound. Vous écoutez RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 593. 593 étant le nombre de sagas que j'ai réussi à faire ici sur cette radio RIG. Mais cette émission existe depuis 1984 et dans trois semaines, On va fêter les 40 ans de cette émission. Ce sera le 3 avril de 20h à minuit. Alors préparez-vous du café, des collations, ce que vous voulez. Et puis surtout, écoutez, parce qu'il y aura des choses à gagner. Ou pas des grandes, grandes choses. Il y aura un mug à gagner. Et peut-être, si on peut le faire, peut-être un 33 tours, un CD, si vous préférez, de l'un des Fab Four ou des Beatles, comme vous voulez. Ce sera pas un double, parce que ce sera fait avec mes moyens à moi. Mais on en reparlera d'ici là. Je compte essayer de faire gagner un auditeur qui aura appelé au téléphone et un internaute, parce que c'est pour être plus juste avec ceux qui habitent loin et qui pourraient ne pas avoir le temps de faire l'indicatif français blablabla pour téléphoner. Donc il faut rester sympathique avec les gens qui habitent loin, car la saga des Fab Four est écoutée dans le monde entier et j'en ai pas marre du tout. C'est le titre du prochain titre. En fait, lui, il dit « I've had enough, j'en ai marre ». J'en ai assez. C'est McCartney en 1978 sur l'album London Town et c'est sur RIG. Sorry for your aging head, but like you heard me said, I'm not guilty. Street, getting underneath your feet, not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. Doo-doo-doo. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me said, I'm not. Making friends with every Sikh, not guilty. For leading you astray on the road to Madeleine. I won't upset the apple cart, I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me said, I'm not guilty. I'll Be Mine en 1980. George Harrison écrit tout simplement, il ne dit pas grand chose sur cette chanson-là. Not Guilty a été écrite en 1968, même si elle n'apparaît que pour la première fois qu'en 1979 sur l'album George Harrison. Je l'ai écrite avant l'album blanc des Beatles et il semble que c'était à propos de la période Paul, John, Apple, Rishikesh, les amis indiens, etc. C'est tout ce qu'il dit. Mais sur l'album Anthology Highlights, eh bien, on entend la version de l'époque de Not Guilty, travaillée avec les Beatles. Not guilty. Getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not for the rest. I'm not trying to steal your best. I'm not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me said, I'm not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take a hold, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me said, not guilty. Looking like a freak, Peut-être qu'avec des paroles comme « I'm not trying to be smart, I only want what I can get », c'est-à-dire « je n'essaie pas de faire le malin, je veux juste ce qui est à ma portée », trahissent une certaine amertume sur son incapacité à être reconnu dans le groupe comme un compositeur du niveau de John et de Paul. C'est peut-être la raison pour laquelle la chanson n'apparaît pas sur l'album blanc. Et c'est bien dommage parce que c'est une très belle chanson. One, two. Le petit plaisir de la saga. Now and Then, le dernier disque actuellement, on ne sait jamais avec eux, des Beatles. And très très très bonne version. Très belle réussite de la part de John, Paul, Ringo et George. Bravo, superbe. Très très très bon boulot. Je vous ai parlé en début d'émission, lorsqu'on a diffusé la chanson « This Guitar Can Keep From Crying », que c'était quelque part la suite de « While My Guitar Gently Weeps ». Voici la chanson, mais de la version Highlight. Belle version également, sur RG. Donc « While My Guitar Gently Weeps ». Est belle avec juste une guitare et elle est splendide avec tout un orchestre. While My Guitar Gently Weeps, George Harrison qui prouvait qu'il était largement au niveau de Paul et de John en cette année 1968. Mais je vous propose, alors d'abord pour vous dire que Eric ne sera pas là ce soir, il nous reste 4 ou 5 chansons maxi à passer, 4. Donc nous allons aller jusqu'au bout de la playlist, nous allons déborder un petit peu. Et je vous propose extrait de l'anthologie Highlights, encore une fois. The Long and Winding Road, la version de Savile Row, là où ils avaient enregistré. Donc une version épurée, et puis après il y aura la version avec Phil Spector pour comparer. The Long and Winding disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to chanson, mais avec les chœurs. The long and winding road that leads to your door. Will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. que le temps passe vite. On n'arrête plus la musique et on va terminer avec un Ringo Starr et un Paul McCartney. Voici Cooking in the Kitchen of Love, chanson écrite par Johnny pour son, par John, pour son pote Ringo. La chanson est extraite d'un album que j'avais acheté par hasard, The Anti-Heroin Project, It's a Live In World, en 1986. Pourquoi j'ai acheté le double 33 tours? Parce qu'il y avait une chanson de Paul McCartney que je ne connaissais pas. Cette chanson, c'était Simple As That. Je sais, vous auriez voulu que ça dure encore. Eh bien, dans 3 semaines, ça durera encore plus longtemps puisqu'on aura on ira jusqu'à minuit puisque ce sera la saga des Fab Four, les 40 ans. Entre-temps, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous ayez envie de téléphoner. Je vous donnerai le numéro de téléphone plus tard, de toute façon. Que vous ayez envie de me laisser des témoignages, je vous laisserai dans la saga des Fab Four sur Facebook le moyen de contacter, d'envoyer quelque chose. Et puis, on va faire ça pendant 3 semaines. J'espère que tout se passerait bien. Parlez-en autour de vous. Une émission de radio qui dure depuis 40 ans, c'est assez rare. Ne m'appelez pas Michel Drucker, je ne sais pas combien de temps je vais tenir comme ça, mais pour l'instant, j'adore parce que vous êtes là. Donc merci et à très très bientôt. N'oubliez pas que, petit rituel qui est arrivé je ne sais plus quand, lorsqu'Eric n'est pas là, il y a toujours quelque chose, souvent en tout cas, après le générique. À très très bientôt, salut, ciao. Get the chords right this time. His head on a pillow, and the stars settle down for a rest. Just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest. By playing my baby's request, my baby.